occupé se dit beschäftigt. Bien. Je suis très occupé. Ich bin sehr beschäftigt. Bien. Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Et fatigué, c'est müde. Müde. Le mot qui à lui seul donne envie de bâiller. Müde. M-U, umlaut, le tréma sur le U, D-E, signifie fatigué. Donc, je suis fatigué se dit. Ich bin müde. Ich bin müde. Et donc, je suis très fatigué. Ich bin sehr müde. Ich bin sehr müde. Maison. Maison se dit Haus. Haus. Haus s'écrit H-A-U-S. Le H est très aspiré. Puis vient le même son AO que dans rauchen, fumer, ou auch, aussi. Donc, Haus, maison. À vous. Comment dites-vous le mot maison? Haus. Haus. Haus. Haus. Et vous? Haus. Haus. Zu Hause signifie à la maison. Zu Hause. On rajoute un E au mot Haus. Zu Hause, c'est à la maison. Zu Hause, comme dans être à la maison. Zu Hause sein. À vous. À la maison. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu s'écrit Z-U, mais le Z se prononce T, d'où Zu. Une mouche, quand elle vole, fait Z. Eh bien, quand vous avez un Z en allemand, pensez à la mouche Tse-Tse. Zu Hause. Encore une fois. Zu Hause. Zu Hause, oui. Nach Hause. Nach Hause a aussi le sens de à la maison, mais il y a en plus l'idée d'un mouvement, comme dans l'expression aller à la maison. Nach Hause gehen. Nach Hause gehen. Je vais à la maison. Ich gehe nach Hause. Mais si je reste à la maison, comment diriez-vous je resterai à la maison? Je vais rester à la maison? Ich? Ich werde? Bien. Ich werde? Zu Hause? Zu Hause? Ich werde zu Hause? Rester. Bleiben. Ich werde zu Hause bleiben. Ich werde zu Hause bleiben. C'est ça. Et maintenant, comment direz-vous « Je suis très fatigué et je vais à la maison » ? Ich bin. Ich bin. Fatigué, c'est le mot qui nous fait tous bâiller. Ich bin sehr müde. Bien. Ich bin sehr müde. Oui, donc « Je suis très fatigué et je vais à la maison » et en allemand se dit « und ». « Und », ça s'écrit « und » avec le « d » final prononcé « t ». « Und ».« Und ».« Und ».« Und », »« Je vais à la maison ».« Ich gehe ».« Ich gehe ». Bien. « Und ich gehe ». Oui, « und ich gehe ». Et je vais à la maison ?« Zu Hause ». Non, là, c'est « nach ». Qui indique qu'il y a un mouvement. Nach Hause. Donc, à la maison, au sens de vers la maison, se dit nach Hause. N-A-C-H. Nach. Nach Hause. Ich gehe nach Hause. Encore une fois, je vais à la maison. Ich gehe nach Haus. Nach Hause. Le mot Haus devient Hause avec un E à la fin dans les expressions nach Hause et zu Hause. Ich gehe nach Hause.